Le rassemblement de célébration des ouvriers et syndiqués consacré au 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée a eu lieu le 26 décembre au complexe sidérurgique de Fangé, en présence des cadres intéressés, des ouvriers, des syndicalistes et syndiqués du complexe. Les orateurs ont indiqué « Le dirigeant suprême Kim Jong-un a joui depuis longtemps de la confiance et du respect infini des militaires et civils pour son intelligence, son leadership et ses qualités au cours de la direction de Songun avec le grand dirigeant Kim Jong-il. En conduisant le parti, l'État et l'armée, il a ouvert une nouvelle époque de la victoire et du changement à inscrire dans l'histoire de la patrie.